Les Philistins le saisirent et lui crèvèrent les yeux. Ils les firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce texte. Voici la première vérité. Faisons attention au péché sexuel. L'un des points faibles qui fait tomber beaucoup de chrétiens aujourd'hui, et plus particulièrement les serviteurs de Dieu, c'est le côté du sexe. C'est pourquoi je vais avertir quelqu'un. Écoute-moi, pasteur, fais attention. Souvent, tu es avec des jeunes sœurs, « Oh, ma fille spirituelle, tu ne peux pas rester avec la fille spirituelle jusqu'aux heures tardives, 22h, 23h. » Faites attention, tu ne peux pas aller avec une diaconesse, soi-disant que tu vas faire l'évangélisation. Vous allez, vous deux, faisons attention que Dieu nous aide à être disciplinés dans nos relations avec les sexes opposés. L'un des points faibles de Samson, c'était la question des femmes, vous voyez. D'abord, nous avons vu la fois dernière qu'il est parti aimer une femme chez les Philistins. Malgré l'avertissement de son papa, il a persisté. Mais ici encore, c'est pire parce qu'il va entrer chez une prostituée. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais parler à quelqu'un. Toi, tu vas dans les quartiers des prostituées. Il y a des endroits où lorsqu'on te voit, des millions lorsqu'on te voit, tu dois te poser la question, tu vas faire quoi? Est-ce que réellement c'est pour faire évangélisation comme tu dis, mon ami? Le texte dit au verset 1, Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Regardez la succession d'événements, la progression dans le mal. Premier verbe, il vit, c'est-à-dire il y a la convoitise des yeux. Souvent, les péchés sexuels, lorsqu'on ne sait pas se discipliner, tu regardes n'importe quoi, tu regardes des films pornographiques, tu regardes des images porno à l'internet, tu t'exposes, mon ami. Et puis, le deuxième verbe, on dit, il entra. Après avoir vu, on se sent attiré à commettre l'acte. On dit, il entra chez une femme prostituée, un lieu qui n'était pas propice pour un homme de Dieu de la trempe de Samson. Et troisième verbe, on dit, il demeura. Le verset 3 dit, Samson demeura couché jusqu'à minuit. Mon ami, où tu demeures maintenant? Tu demeures dans le mal, tu demeures dans l'impudicité. Il y a des endroits où on ne peut pas demeurer dedans. Lorsque tu tombes, tu dois te repentir. Mais Samson a demeuré dans ces lieux-là jusqu'à minuit. Mon ami, qu'est-ce que tu fais jusqu'à minuit lorsque tu sors tard à la maison? Toi, tu es marié. Qu'est-ce que tu vas faire en dehors de la maison jusqu'à minuit? Dans quelle maison tu restes jusqu'à minuit? Que Dieu nous aide à éviter ces choses. Deuxième vérité, les miracles ne sont pas toujours la preuve d'une bonne spiritualité. Parfois, Dieu peut utiliser quelqu'un qui vit dans les péchés de manière souveraine. Et c'est là où les gens se flattent, disent voilà, comme j'ai l'onction, Dieu m'utilise, j'accomplis des miracles. Tu vis dans les mensonges, tu vis dans les péchés, tu vis dans l'immoralité, et tu dis bon, j'ai l'onction, je peux continuer. Il y a un danger dans cela. Regardez Samson. Quand bien même il est entré chez une prostituée, mais lorsque les Philistins sont venus, il a accompli des exploits. Et là, il se disait, bon, j'ai l'onction, ça continuera toujours. Vous voyez les dangers. Il est dit au verset 3, Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Il a accompli donc un miracle, un exploit. Mais tout en demeurant dans les péchés, faisons attention. Troisième vérité, nous voyons les dangers des alliances, des mauvaises alliances, surtout dans les domaines de mariage. Toi qui es chrétien, tu es chrétienne, tu t'en vas faire alliance en vivant avec un monsieur qui ne connaît pas Jésus. Il est dans les mystiques, il est dans l'occultisme. Il y a un danger dans cela, vous voyez? Samson aimant encore une autre femme, Delila. Verset 4 dit, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek, elle se nommait Delila, toujours chez les Philistins. Et nous allons voir que Delila va devenir maintenant un piège pour Samson. Parce que Samson va étouffer le feu de Dieu. Le feu de Dieu représente la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit le verset 9. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre et lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon de toupe quand il sent le feu et l'on ne connaît point d'où venait sa force. Il avait le feu de Dieu en lui. Mais Samson pensait que le feu de Dieu peut demeurer malgré les péchés. Quels sont les éléments qui ont étouffé le feu de Dieu ici? D'abord, premier élément, c'est la mauvaise alliance. Il s'est allié avec une femme philistine, Delila, qui était en contact avec ses ennemis. Souvent, ces mauvaises alliances-là vont te vendre à tes ennemis parce que tu ouvres une porte à l'ennemi. Deuxième élément ici qui a étouffé l'effet de Dieu, qui a éteint l'effet de Dieu en Samson, c'est les mensonges. Mon ami, tu ne peux pas jouer dans le péché. Tu ne peux pas combattre l'ennemi dans son propre camp. Regardez ici. C'est Delila qui lui pose la question. Avec quoi doit-on te lier? Quand on vit dans le péché, on devient aveuglé. Tu ne peux pas te poser la question, comment cette femme peut me poser la question, avec quoi on peut me lier? Si ses yeux étaient ouverts là, il pouvait savoir que c'était suspect. Mais quand on vit dans le péché, on est aveuglé. Et Samson a commencé à mentir. Chaque fois, il mentait à Delila. Et c'est Delila lui-même qui commence à lui dire, tu m'as dit des mensonges. Vous voyez, quand on commence à vivre dans le mensonge, on commence à éteindre le feu de Dieu. Et troisième chose, c'est l'orgueil. Parce qu'au fur et à mesure que Samson a commencé à mentir, il rompait les liens. Et en dernière position, lorsqu'il a livré le secret à Delila, la Bible nous dit qu'il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Écoutez le langage d'orgueil de Samson. Au verset 20, elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et il dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois. » Vous voyez, « je ». C'est-à-dire, moi j'ai l'onction. Moi, je m'en tirerai. Moi, je connais. L'Esprit de Dieu est en moi. Je peux prêcher. Même si je n'ai pas préparé un message, je m'en tirerai comme autrefois. Moi, j'ai l'onction. J'ai la puissance de chasser les démons. J'ai l'onction, moi. Je m'en tirerai comme autrefois. C'est-à-dire, on le fait comme par habitude. Je m'en tirerai comme autrefois et je me dégagerai. Le texte dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. En d'autres termes, il ne savait pas qu'il avait étouffé le feu du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait et puis il pouvait se retirer. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, quand bien même nous pouvons dire que le Saint-Esprit ne peut pas nous quitter, mais nous pouvons éteindre le feu du Saint-Esprit. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Notre ministère ne peut plus avoir d'impact si nous vivons dans le péché. Nous pouvons mal finir notre vie. Que Dieu nous préserve de ces choses, de ce péché de sexe, de ce péché d'orgueil, de ce mensonge qui a emporté Samson. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que nous puissions le louer en chantant ces cantiques. Tu es Dieu, le Dieu qui guérit, toi seul tu es Dieu. le roi des rois. Loué, loué, dansez, dansez, glorifie le Seigneur. Dansez, dansez, loué, dansez, pour Jésus, le roi des rois. Alléluia. Oh notre Dieu, tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Élevons ensemble nos voix et bénissons ce Dieu-là. Disons-lui merci parce qu'il est le Dieu qui nous avertit pour nous préserver du malin. Sois béni, Éternel, notre Dieu, toi le Dieu qui nous garde du mal. Oh, sois béni, notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu qui ne nous a pas laissé des orphelins, mais qui nous a envoyé le Saint-Esprit de vie par lequel nous crions Abba Père. Sois béni, ô notre Seigneur, notre Dieu, toi le Père d'amour, le Dieu qui nous aide à ne pas demeurer dans le mal. Sois béni pour le Saint-Esprit de victoire qui nous conduit jour après jour. Merci, ô Père, toi, le Dieu qui nous aide à ne pas étouffer le Saint-Esprit qui est en nous. Oh, merci de nous conduire jour après jour dans la puissance du Saint-Esprit, de te glorifier à travers nos vies. Sois béni, ô notre Père, notre Seigneur, toi qui nous préserves du malin, que l'honneur te revienne, toi le Dieu Tout-Puissant, le Dieu incomparable, le Dieu insondable, le seul vrai Dieu, le Dieu qui ne change pas. Nous bénissons ton nom en ce moment et nous t'élevons dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à l'émission OSB, Opération sous la brèche. Notre texte d'aujourd'hui, c'est Juges 16, 1 à 21. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Nous venons de voir plusieurs vérités. Faisons attention au péché sexuel. L'un des points faibles de Samson, c'était les femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés. Leur ministère est tombé en ruine à cause du péché sexuel, à cause de l'impudicité, à cause de l'adultère. La Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde afin de ne pas tomber. Prions le Seigneur afin qu'il nous préserve. Prie le Seigneur même toi-même en tant que chrétien, en tant que chrétienne, afin que Dieu te préserve. Et si tu es tombé, que Dieu te relève, que tu te repentes. Et si tu connais un homme de Dieu qui est tombé dans ce péché, prie pour lui, afin que Dieu le délivre, qu'il se repente au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Tendre Père, ce matin nous te bénissons et nous te glorifions. Nous te bénissons et nous te glorifions pour tous tes hauts faits. Nous te bénissons et nous te glorifions pour ton amour, parce que tu veilles sur nous. Nous te bénissons et nous te glorifions parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Ce matin, ô Père éternel, nous prions pour la préservation morale et spirituelle des servantes et des serviteurs de Dieu, la préservation morale et spirituelle des frères et sœurs dans le Seigneur. C'est pourquoi nous prions au Père dans le nom de Jésus-Christ et nous nous élevons contre toute forme d'immoralité sexuelle dans le nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité sur toute impudicité, toute forme d'adultère dans le nom puissant de Jésus. Nous prions au Père éternel et nous demandons que tu protèges tes servantes et tes serviteurs contre toute forme d'immoralité sexuelle. Protège-les, ô Père éternel, par ton sang précieux. Et nous demandons au Père éternel que ceux qui ont chuté, ceux qui sont tombés, donnent à ses frères et à ses sœurs, à ses servantes et à ses serviteurs, l'humilité pour se repentir, l'humilité pour retourner à toi et être restaurés dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons que l'ennemi ne s'installera pas dans le milieu des saints par le canal de l'immoralité sexuelle. Nous te bénissons et nous te glorifions. Tu as dit dans ta parole que ceux qui sont forts prennent garde de ne pas tomber. C'est pourquoi nous demandons que tu nous gardes, que tu nous préserves, que tu nous sécurises et que tu nous donnes des éléments de protection pour notre marche avec toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir les dangers des mauvaises alliances. Il y a des choses qui peuvent étouffer les feux de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont été utilisés puissamment par le Seigneur, des servants de Dieu. Mais par la suite, à cause des mauvaises alliances, soit ils se sont mariés avec un homme, avec une femme qui n'est pas vraiment de Dieu, que l'ennemi a envoyé et le ministère s'est éteint. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous préserve des mauvaises alliances au nom de Jésus. Car la Bible nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Nous voulons te dire merci ce matin, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur. Louange à toi parce que tu nous as donné ta parole, à travers laquelle tu nous éclaires, tu nous enseignes, tu nous instruis, tu nous éduques, tu nous révèles les choses cachées. Et tu nous as donné ton esprit, qui nous accorde la sagesse, les dons, surtout le discernement dans nos décisions, dans nos choix. Parce que Seigneur, tu n'es pas notre nature. Nous sommes simplement des hommes habités par ton esprit, mais des hommes limités qui t'ont accepté, qui sont des nouvelles créatures. Mais nous croyons que dans nos démarches par rapport aux grandes décisions à prendre, aux alliances à contracter avec des personnes, surtout avec une femme qu'on veut épouser, avec laquelle on peut avoir une bonne vision, la même vision pour prêcher ta parole. Beaucoup ont eu des mauvaises aventures, comme Samson. Seigneur, nous prions que tu gardes tes serviteurs. Nous prions que tu gardes nos foyers. Tu gardes nos alliances plongées dans le sang de l'agneau. Et que tu nous accordes cette grâce, nos épouses et nous, d'être dans la bonne direction, dans la bonne vision, pour faire notre Dieu ta volonté. Prie ensemble. Lis la parole de Dieu ensemble. Prêchez ta parole. Être pour nous un soutien. Nous croyons à toi, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Accompagne-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi qu'il y a les péchés tels que le mensonge, l'orgueil. Parfois, on peut devenir orgueilleux. Nous désobéissons et nous disons, je m'en tirerai comme autrefois, comme Samson, qui ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Prions pour que Dieu nous donne l'humilité. Et lorsque nous avons péché, que Dieu nous donne la souplesse de nous repentir au lieu de persister dans l'orgueil. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions ce matin. Parce que la Bible dit dans le livre de 1 Pierre 5, à partir du verset 5, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports manuels, mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Au verset 6, il est dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Seigneur, parmi nous, il y a beaucoup qui se sont égarés à cause de l'orgueil. Beaucoup ont été utilisés puissamment par toi, mais par orgueil, ils se sont éteints, car tu résistes effectivement aux orgueilleux. Tu brises le projet macabre de l'orgueil. Même Satan, à tes côtés, appelé Lucifer en son temps. C'est par orgueil que tu l'as parachuté sur la terre. Aujourd'hui, je prie que tu restaures les cœurs qui se sont rebellés par toi dans l'orgueil. Les cœurs qui, oh Dieu, s'opposent à ta volonté par orgueil. Seigneur, ma prière, c'est que toutes ces personnes reviennent à toi, se repentent. Je prie que ta grâce leur donne le pouvoir de renoncer à leur moi, à leur zèle, à leur ego. Merci de fortifier le foyer de quelqu'un. Merci de briser cet homme orgueilleux. Merci de briser cette sœur à cause de son argent, à cause de son pouvoir financier. Restaure les cœurs, restaure les vies. Bénis quelqu'un, renouvelle nos pensées au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonheur conjugal vous donne rendez-vous le dimanche 1er novembre à 17h au CPE. Le thème qui sera développé, c'est l'importance de la sanctification avant le mariage. C'est une rencontre des célibataires. L'entrée est toujours libre. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la puissance, par son bras puissant.